Coxy, Coxy, Coxy Market. Aujourd'hui, promotion sur les lessives Homo. Luc, je suis ton père. Bananas, melones. Ouais gars, l'espadrille. Section Lover tonight. Spécial dédicace à Troupal King. Spécial guest Gunther. Oh girl, allez c'est parti. Oh baby, come on, ici. Oh darling, je te kiffe grave de la vie. Toi et moi, sous le moonlight. Oh soleil of Normandie. Oh baby, je t'ai dans la peau. Je te love grave like a puceau. Je veux que ce soit hot et chaud. Allez mon, je suis pas un mytho. Night, ça va être chaud. You and me dans ma golf tunée. Ce soir, tout geyser dans le ghetto. Toi, la vanille, ghetto, chocolat. You and me dans ma BM volée. J'ai un chat dans la gorge. Et je m'en bats les couilles. Je continue à chanter, je m'en bats les couilles. Allez, jump, jump, baby! Vas-y, fais pas ta pute! Tu me rends crazy! Viens là que je te culbute! Tutti frutti summer love. Tonight, ça va être chaud! You and me dans ma golf tunée! Ce soir, tout geyser dans le ghetto! You and me dans ma BM volée. Tonight ça va être chaud. Chaud chaud, chaud chaud les marrons. You and me dans ma golf tunée. T'es bien touché mais t'es ce soir tout geyser dans le ghetto. Ghetto mon vomi, ghetto au caca.